Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire du magasinage. La clientèle, mais la voilà. Les femmes, toutes les femmes. Dans le palais que je construirai pour elles, il y aura tout ce qui leur est nécessaire, c'est-à-dire tout ce qui leur est inutile. Vous les connaissez bien? C'est que je les aime. Oui, j'ai choisi ce métier pour ça. On a l'impression de faire du commerce dans une atmosphère d'alcool. Mmh, vous charmez pour mieux vendre. Oh, je pourrais vous retourner le compliment. Extrait du film « Au bonheur des dames » réalisé par André Cayatte en 1943, un film inspiré du roman d'Émile Zola. Zola qui est fasciné par cet univers nouveau des grands magasins quand il écrit son roman en 1883. « Au bonheur des dames » nous plonge dans le quotidien de ces grands magasins en même temps qu'il nous permet de comprendre l'importance qu'auront ces grands magasins pour les femmes, les grands magasins qui, d'une certaine manière, révolutionneront la vie des femmes. Oh, que de bruit! Oh, que de bruit au centre de la grande ville! Ce qui attire tous ces gens-là, au centre de la grande ville, ce sont les bureaux, les restaurants, les théâtres, les magasins. Ah oui, mais surtout les grands magasins. Tu connais les grands magasins Rayon, hein? Ils sont pleins de vêtements, de meubles, de jouets, de lumières, de musique! Le magasin à rayons est rempli, rempli jusqu'au plafond de jouets et de vêtements, de bonbons et de rubans, des tambours, des castagnettes, des ballons, des savonnettes, des toupies, des patinettes, des turlurons, turlurettes, des commis bien mis, des clients contents. Bonjour et merci, revenez souvent. Louisette Dussault, la souris verte qui parle et chante le magasin à rayons en 1969 pour faire l'histoire du magasinage, l'historien professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Laurent Turcot. Laurent, bonjour. Bonjour. Ça remonte à quand, les origines du magasinage, ou en tout cas, ce qui s'en rapproche, Laurent? Ben, on a envie de dire que quand il y a eu l'homme, il y a eu un échange de bons procédés et il y a eu des lieux pour le faire. Donc, on pourrait remonter jusqu'aux origines, c'est-à-dire la préhistoire, mais plus spécifiquement dans l'Antiquité, bien sûr, avec la Grèce, avec l'Agora, avec l'Antiquité romaine, les fameux forums où tous ces gens qui venaient de partout, qui a été ensuite repris à l'époque médiévale par les foires. Puis, quand on avance dans cette époque contemporaine, cette époque moderne, pardon, avec la Renaissance, là, peu à peu, une accélération économique de grandes familles comme les Médicis, comme les Fugères qui fondent des banques et de nouvelles places fortes, Amsterdam, Bruges, ouais. Londres, avec le Royal Exchange, où c'est une espèce de petit commerce qui s'assemble au cœur de Londres et bien sûr, Paris. Parce que Paris va devenir, à partir du 18e siècle, le modèle type de ces endroits où on peut trouver de tout, mais avec une espèce de stature, une espèce de niveau de vie. Et donc, le commerce a toujours été. Mais ce qui est intéressant dans notre histoire, c'est comment ça s'est standardisé, mondialisé, et comment l'acte d'achat est devenu en soi une expérience esthétique. Ouais. Et puis, à Paris, au 19e siècle, il y a cette révolution des grands magasins qui vont inventer les bases du commerce moderne. Dans quel contexte naissent ces grands magasins-là? Ben, plusieurs éléments qui nous permettent de voir, c'est ce qu'on appelle à l'époque les magasins de nouveautés, c'est-à-dire des petits magasins où on a plusieurs employés, où on prépare des vêtements, où on présente des vêtements, où on offre justement à une clientèle des nouveautés de tout genre. Mais ces magasins de nouveautés sentent que le public en veut plus. L'urbanisme explose. Mm-hmm. Pourquoi? Ben, c'est la révolution industrielle et les campagnes sont désertées avec la mécanisation. On arrive en ville, il y a une expansion économique, une expansion démographique qui demande du matériel, mais en plus, on a du transport, on a une production de masse. Tous les éléments pour lancer le grand commerce est là. Et certains individus se disent, ben écoutez, le petit commerce, la petite surface que j'ai où je peux accueillir une centaine de personnes, c'est pas assez. Mmh. Il faut penser plus grand, penser plus haut. Et Paris, à l'époque, c'est le grand modèle. Tout le monde y vient. On le sait quand on pense aux romanciers. Pensez à Victor Hugo, pensez à Émile Zola, pensez à tous ces hommes qui ont fondé la grande littérature française, qui ont fait de Paris le centre du monde au 19e siècle. Il y a un grand philosophe qui avait écrit que Paris était la capitale du 19e siècle. C'est pas faux. Oui. Mais il est inspiré. La ville est inspirée par le modèle des expositions universelles dont on a parlé dans des émissions précédentes. Et Londres en avait fondé, mais là, Paris se dit, nous, on va en faire, mais plus grande encore. Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est que les expositions universelles? Ben, on présente les nouveautés technologiques et tout le monde peut se promener dans ces immenses cathédrales de fer et de vitres où là, on voit les magnificences technologiques du commerce. Ben, il y a des gens qui se disent, ce modèle-là, cette manière de présenter les choses, on va l'exporter vers le commerce. Ça va donner donc ces grands magasins, ces grands palais du commerce. Paris, 1852. Aristide Boussicot ouvre le Bon Marché, inventant le premier grand magasin au monde. Toutes les femmes accourent, se pressent pour découvrir ce lieu d'abondance et de beauté à nul autre pareil. Attirées par ce nouveau paradis, ces bourgeoises quittent leur foyer et sortent seules de chez elles. L'apparition du grand magasin est un tel choc que l'écrivain Émile Zola, témoin attentif de son temps, lui consacrera un roman « Au bonheur des dames ». N'était-ce pas une création étonnante? Le grand magasin bouleversait le marché. Il transformait Paris, car il était fait de la chair et du sang de la femme. Une révolution est en marche. En créant le Bon Marché, Aristide Boussicot invente une véritable machine de l'aliénation et du progrès. Il jette les bases du commerce moderne et de la société de consommation dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Et dans le même temps, il ouvre la boîte de Pandore qui mènera les femmes sur le long et douloureux chemin de leur émancipation. Extrait de la bande-annonce du documentaire de Sally Etkin et de Christine Le Goff, « Au bonheur des dames, l'invention des grands magasins », réalisé en 2011. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre, Laurent Turcot. Commençons par l'exemple du Bon Marché. Oui. Ce sera l'un des premiers, le premier en France, grand magasin. Oui, en France, c'est le premier. On peut même dire que c'est le premier de tous. Certains contestent, il y en a qui disent au contraire que c'est Macy's qui l'aurait fait aux États-Unis. D'autres disent que ça aurait été fait à Londres. Bref, on est franco-français ici, on assume. On va dire que c'est le Bon Marché et on n'a pas tort de le dire, et d'autant plus qu'il existe encore. Donc, exact. Allons-y on peut y là-dessus. Aller encore aujourd'hui. En quoi il serait important, ce Bon Marché? Ben, il est important parce qu'Aristide Boussicot, qui est un homme visionnaire, pourrait-on dire. J'ai dit Aristide, mais il n'y a pas que lui, il y a sa femme qui est avec lui. Et à deux se disent, on va révolutionner le commerce. Et ils vont s'inspirer des expositions universelles dont on parlait tout à l'heure pour ouvrir, mais ouvrir non seulement physiquement, mais ouvrir l'espace. C'est-à-dire que la femme, parce que c'est souvent la femme qui magasine, ça c'est dans le terme québécois, mais qui va faire du shopping, comme on dit à l'époque. Donc c'est la femme qui va dans ces magasins, dans ces grands magasins, et là, l'espace entre les allées prend de l'expansion, et on voit des décorations magnifiques, l'espace architectural. Si vous n'avez jamais vu de grands magasins, eh bien ça vaut la peine. Ouais. Même, on organise des visites guidées, tellement c'est important. Et Boussicot va le comprendre, on va dire, on va engager des architectes, des décorateurs, mais pas des décorateurs d'il y a 20, 30, 40 ans, des nouveaux, des gens qui vont révolutionner le style des bâtiments, la manière de présenter une étagère. Une étagère, ça nous semble tout bête. Aujourd'hui, on va à l'épicerie, au IGA, au métro, à quelconque, on dit c'est une tablette en fer. Ce n'était pas comme ça qu'on le concevait à l'époque. L'étagère devait être en soi un objet esthétique qui attire l'œil. On vend le rêve, et même dans l'environnement ambiant. Puis ça, on y est revenu d'ailleurs dans certaines boutiques à cette notion de l'expérience qui compte déjà donc au Bon Marché. Puis cette recherche architecturale et esthétique, le Bon Marché l'aura, on peut le voir encore aujourd'hui, mais il y a plein d'autres magasins, vous le disiez, on y vient en tourisme maintenant le printemps si on reste à Paris. Ah oui, la Samaritaine, qui est fermée malheureusement, mais qui se donne justement sur la Seine, qui est une expérience magnifique. À l'époque, c'était connu, c'est qu'on pouvait monter au 6e étage en ascenseur sur le toit de la Samaritaine sans rien payer. On avait une vue à couper le souffle, une vue de milliardaire, comme on dit, celle-là, c'en était une. C'est une petite révolution, cette affaire-là. Tant et si bien, on revient à notre ami Zola, Émile Zola. Il va écrire ce livre. Qu'est-ce que ça raconte, ce livre? Mais surtout, Laurent, pourquoi? Qu'est-ce qui le fascine, Zola, dans cette petite révolution des grands magasins? Ben, Émile Zola, dans sa grande œuvre que sont les Rougon-Macquart, justement, raconte ce qui fait que Paris est en train de se transformer. Et ce qui le fascine, c'est que autant l'homme est au centre de tout, c'est-à-dire la spéculation immobilière, le contrôle politique, le contrôle des manifestations, tout ça, c'est l'homme souvent qui est impliqué. Mais pour l'acte d'achat, pour le fait d'entrer dans ces grands magasins, les cathédrales du commerce, comme il les appelle lui-même, sont le fait des femmes. Mmh. Elles sont construites pour les femmes. Tout à fait. Et on le sait, c'est que l'œil aguiché, l'œil attiré par la couleur qui frappe l'imaginaire, le logo, on vous accueille, on vous prend, le confort de ces grands magasins. Aujourd'hui, on se dit oui, oui, on le sait. Non, pas du tout. Si vous pensez qu'aujourd'hui, au 21e siècle, vous avez l'équivalent d'un grand magasin, vous êtes à des années-lumière de ce que cette expérience pouvait être. Mmh. Parce que oui, il y avait une foule. La foule était constamment dans le grand magasin sur les 4, 5, 6 étages que ces grands magasins pouvaient avoir, mais jamais on ne devait sentir les flux et reflux de la foule. Ouais. On le sait, quand il y a les fêtes ici, on a l'impression qu'on est pris, qu'on est emporté malgré soi comme une vague. À l'époque, tout est conçu pour permettre une circulation aisée. Mm-hmm. C'est une ville dans la ville, mm-hmm. mais bâtie en étages. Et si les femmes sont au centre de ces grands magasins, de quelle manière ces grands magasins sont importants pour les femmes? Laurent Turcot, dans la bande-annonce qu'on entendait, il y avait à la fois le mot émancipation, parce que on y magasine comme cliente, mais on y travaille aussi, mais il y avait aussi le mot aliénation. Je veux vous entendre là-dessus, parce que c'est vrai que ça sort les bourgeois. Elles sortent de chez elles. Il y a donc une démarche d'émancipation, mais il y a peut-être un petit piège au détour. Mais qu'est-ce que ça changera à la vie des femmes? Le mot est magnifique. Le fait d'entendre cette dichotomie d'émancipation et d'aliénation, on a le symbole par excellence de l'acte d'achat. C'est-à-dire, on est asservi au fait d'avoir constamment la nouveauté, parce que c'est ce que proposent les grands magasins. Venez vous émanciper, venez vous libérer et venez acheter ce que vous voulez. Mm-hmm. Attention, dans une semaine, il va y avoir quelque chose mm-hmm. d'autre. Donc, on vous accroche et vous êtes condamné à l'innovation. Comme nous sommes condamnés à l'innovation en tant que grand magasin mm-hmm. où le stock doit se renouveler, et vous, on vous condamne à la même peine. Et dans l'extrait du film qu'on entendait, on le disait, c'est fabuleux, là, c'est dialogué, mais cet homme qui veut créer ce nouveau magasin... Ah, mais c'en est sexuel, carrément. Ouais. C'est le rapport qu'il a avec marchandise, et la femme est sexuelle. Il y a tout ce qu'elles veulent, tout ce dont elles ont, mais dont elles n'ont pas besoin. C'est à peu près ça qu'il dit. Exactement. Rien n'est plus nécessaire que le superflu. Ça, c'est Oscar Wilde. Et c'est ça qu'on va proposer, du superflu, mais ultra nécessaire, changeant. Et la femme, parce qu'on revient à cette idée d'émancipation, on dit à la femme, non seulement vous pouvez vous promener comme vous voulez, acheter ce que vous voulez, mais en plus, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir votre mari à côté. Mm-hmm. Ça, c'est l'élément d'émancipation par excellence. Et en plus, vous avez les cordes de la bourse. Ouais. Mais l'aliénation n'est jamais loin. L'aliénation, qui est un thème marxiste extrêmement bien développé, on le sait, quand je dis l'homme, c'est avec un H majuscule, ou l'humain, si mm-hmm. vous préférez, est aliéné de par son travail, encaserné dans cette idée qu'il faut toujours mm-hmm. s'accélérer, il faut avoir le confort, et une espèce de chloroforme qui nous fait tomber dans un oubli confortable d'achat en tout genre, et le grand magasin lance ce modèle-là qui va arriver jusqu'aux centres commerciaux actuels. Ouais. Donc, on est encore là-dedans, mais pas avec la même expérience. Ouais. La notion de marchand de bonheur, de fabricant de rêves, pour la femme, ça voudra dire un idéal de beauté féminine avec tout ce que ça veut dire, prisonnière de cette image. Enfin, ça, ce serait le sujet d'une autre émission et qui pousse à la consommation, bien sûr. C'est ça le but de l'opération. Oui, tout toujours. À fait. Ça se développe en Europe, ces grands magasins. Ça se développe aussi en Amérique, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada également. Ça arrive quand chez nous? Faut dire que le Canada est quand même assez précoce. Pourquoi? Parce que les États-Unis le sont également. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut dire qu'Aristide Boussicault est un de ceux qui a fondé les grands magasins. Eh bien, aux États-Unis, pour eux, bien sûr, les États-Unis sont aussi chauvins que la France. Ça arrive, c'est pour ça qu'ils se détestent souvent. Eh bien, les Américains vont dire non, c'est nous qui l'avons inventé à New York, cette magnifique ville, dans les années 50-60, avec Alexander Tierney Stewart, qui va faire un grand magasin, qui va être bientôt repris par Roland H. Macy, qui en 1850 va fonder sur la 6e avenue à New York. Si vous êtes allé à New York, vous êtes passé par Macy's. Mm-hmm. Juste le nom vous dit quelque chose. Puis des énormes statures vont s'imposer, pas juste aux États-Unis, mais à Londres aussi, avec Harrods, par exemple, ou Selfridge, dont on a fait une télésérie. Toutes les grandes villes auront leur grand magasin. Et quel sera-t-il au Canada? On a parlé de la baie du Hudson, bien sûr, mais c'est pas la baie du Hudson qui va s'imposer à la fin du 19e siècle. C'est un autre magasin qu'on connaît bien, Eaton. Mm-hmm. Et Eaton va avoir des antennes un peu partout au Canada. On le sait, Eaton, c'est bien sûr torontois, mais Montréal va lui opposer ses propres magasins dès les années 60-70. On va voir, par exemple, Murphy & Co., Ogilvy, qui mm-hmm. existe encore mm-hmm. sur Sainte-Catherine, Morgan, Carsley, Scrooge. Là, vous avez entendu que des mots anglais. Vous avez raison, parce que c'est dans la partie anglophone ouais. de Montréal. On s'entend qu'on a l'impression qu'il faut attendre la Révolution tranquille pour qu'il y ait des entrepreneurs francophones qui existent. Pas du tout, c'est un mythe. Dès cette époque-là, il y a des entrepreneurs francophones, pour preuve, Dupuis Frères. Ouais. Aujourd'hui, qui n'existe plus, qui s'appelle la Place Dupuis, non loin du square Émilie-Gamelin. Mais Dupuis Frères, c'est un grand magasin francophone qui veut, mm-hmm. et là, comme on le dit, un magasin patriote pour la race canadienne-française. Ouais. Je cite, hein, ce n'est pas de moi. Toutes les grandes villes, donc, auront leur grand magasin et tout grand magasin qui se respecte, Laurent Turcot, aura bientôt son catalogue. Bien ça, c'est une autre révolution. Ah ben oui, on oublie souvent l'importance du catalogue. Si, comme moi, vous avez vécu dans un moment où on attendait le catalogue Sucir, comme on dit à Québec, ou le grand de la baie du Tson, on magasinait avant les fêtes de Noël pour dire, et moi-même, j'entourais à mes parents mm-hmm. ce que je voulais, le dernier équipement de hockey, etc., etc. Eh bien, les premiers catalogues, fin 19e siècle à Montréal et Dupuis Frères, 1912. Mm. On va même ouvrir un comptoir postal où, en échange d'argent, bien sûr, on vous envoie la dite marchandise. Et ce commerce-là est déterminant. Pour ceux qui ont vécu cette grande histoire qui, moi, m'a marqué, ce conte de Roch Carrier qui s'appelle Le chandail de hockey, qui a été publié en 1979, c'est une histoire qui se passe en 1946 dans une petite ville, la ville de la province de Québec, où le jeune garçon aimerait avoir le chandail de hockey de mm-hmm. son héros, qui est Maurice Richard. Et donc, il écrit au magasin par vente de correspondance qui est dans sa ville, qui est Eaton. Et là, il dit, écoutez, moi, je veux un chandail de hockey, Maurice Richard. Et on lui dit, non, vous ne prendrez pas un chandail des Canadiens de Montréal. Je vous envoie un chandail de la meilleure équipe qui soit les Maple Leafs de Toronto. Ouais. Et le pauvre garçon, quand il arrive sur la patinoire, ben, ne jouera pas parce qu'il a le chandail des Maple Leafs. Tout ça à cause de la vente par correspondance. Moi, j'en veux pour mon argent, c'est Dak. Je travaille dur pour mon argent, c'est Dak. Moi, j'en ai pour mon argent, distribution. Un mot, Laurent Turcot, sur le phénomène distribution aux consommateurs que je ne comprends pas. Distribution aux consommateurs, pourquoi? Alors, Laurent? Pour comprendre, c'est très simple. Roch et Belles Oreilles, qui en avaient fait une parodie, mais je vous dis ça très sincèrement, ça s'appelait dans leur parodie contribution aux distributeurs. Ouais. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que on se dit, ça coûte trop cher d'avoir un magasin avec des allées ouvertes où les gens se promènent. Donc, on va faire un entrepôt avec un comptoir devant, un catalogue. Vous venez, vous dites, je veux telle matière, des faux sabres laser Star Wars, par exemple, et on vous les apporte, c'est tout. Ce qui fait qu'au lieu de payer plein d'employés sur le plancher qui remettent en place et qui répondent aux questions des clients qui coûtent cher, ben on se dit, on va avoir 2-3 personnes en avant avec des caisses et ça va être fini. C'est on tout va genre. Magasiner. On va consulter un catalogue à l'entrepôt. Oui. Je ne comprends toujours pas. Je dois être vieux jeu, mais c'est l'antithèse du bon marché. Ah ben oui! Hein? Ah, on le sait, l'histoire ne va pas que vers l'avant. Elle a des grands retours en arrière et Dieu sait qu'on l'a vu au 20e siècle et même encore au 21e siècle. Et ça en fait partie. On a l'impression que ça coûte trop cher d'exposer la beauté et d'en faire une expérience esthétique. On se dit on va faire le moins possible. Ben, en fait, on n'en fera pas du tout. On va tout enlever et on va vendre à rabais. C'est ça le but aussi. Vous êtes arrivé à quelle heure? 7h15 environ. On est français et c'est vrai que chez nous, le phénomène n'a pas pris encore autant d'ampleur qu'ici, je pense. D'habitude, c'est le Boxing Day que je fais. Mais cette année, j'ai décidé de participer au Vendredi Fou. Et voilà, le Vendredi Fou prend racine au Québec. L'ambiance est détendue et tranche avec les scènes de débordement et de chaos qui caractérisent l'événement chez nos voisins du Sud. Ici, Vendredi Fou rime avec retenue. En 3 ans, ce solde est devenu le deuxième solde en importance pour nous après le Boxing Day. Extrait d'un reportage de Maxime Bertrand sur le Vendredi Fou en 2013. Laurent Turcot, le Vendredi Fou. le cyber lundi. Oui. C'est un peu la dernière tendance au rayon du magasinage. Mm-hmm. C'est quoi l'idée, en fait? Qu'est-ce qu'on veut faire avec en créant ces espèces de fêtes complètement artificielles du magasinage? Bien, ça revient à un principe extrêmement de base, pourrait-on dire, en économie. En économie, quand on achète un objet, on achète le prix avant d'acheter l'objet. C'est-à-dire quand, par exemple, je vous dis, j'ai acheté un sac à dos, je l'ai payé 5 $. Et peu importe s'il est bon ou non, je l'ai payé 5 $. Et c'est là-dessus, comptable. On fait croire aux gens qu'il y a des aubaines magnifiques. Il y en a, mais on s'entend qu'il y a peut-être 5 téléviseurs à 50 % de rabais dans un magasin et les gens, c'est la foire d'empoigne. On voit les images à chaque année. Ouais. Et il y a même un site Internet qui recense tous les morts, les blessés, les accidents. Il y a même des parents qui laissent leurs enfants de moins de 3 ans dans la voiture pour aller magasiner. C'est la folie. Ne fais pas ça. Mais Jacques, c'est l'aliénation. Ouais. On revient à cette aliénation dont vous parliez tout à l'heure. L'aliénation par le commerce devient l'aliénation, la fausse émancipation que l'on voulait. Et là, on a atteint, pourrait-on dire, les limites. Mais la limite du vendredi fou, du Black Friday, est maintenant renversée par le contrôle. Le contrôle derrière chez soi, derrière l'écran du cyber lundi. On n'a pas besoin de frapper les autres. On reste en pyjama à commander sur les sites en question. Mais dans la tête du consommateur, qu'il se bouscule dans un vrai magasin qui existe réellement ou qu'il soit devant son clavier, il y a cette même, ce même neurone chatouillé qui est de dire oh, « je participe à... Je... » On m'offre une occasion, j'en profite. Ah oui, mais ça, psychologiquement, on le sait, c'est que on se souvient plus de l'expérience pour avoir la chose que de profiter de la chose comme telle. On oublie souvent que dans le voyage, se rendre est une expérience en soi. Et on table là-dessus pour jusqu'à ce que vous ayez l'objet, il va se passer quelque chose. Et c'est cette histoire-là que vous avez racontée. Et entendons-nous, ce que les gens achètent au Black Friday, ce ne sont pas des trucs qui durent. Ouais. C'est souvent de la technologie qui est dépassée déjà ou qui va être dépassée dans 6 mois. Donc, le facteur d'obsolescence programmée dont on a souvent entendu parler est au cœur de ces fameux soldes qui parfois n'en sont pas. Le commerce en ligne, en terminant, Laurent, on en est là. Oui, on en est là. Quelle importance ça prend? Une importance de plus en plus déterminante, juste pour vous dire, le Black Friday perd annuellement des ventes d'environ 5 %, là je vous le chiffre en milliards, alors que le cyber lundi, lui, monte de plus en plus. Là où le Black Friday, donc le commerce physique, gagne, le commerce en ligne monte. Mais bizarrement, certains grands sites, vous avez tous reconnu sans qu'on l'ait nommé en ce moment, Amazon par exemple, qui fait de l'argent, mais pas assez selon eux, vont même aujourd'hui jusqu'à investir dans des magasins en dur. Donc, on ouvre un magasin physiquement parce qu'on se rend compte que c'est comme ça qu'on peut attirer le chaland et leur faire acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin. Rien n'est plus nécessaire que le futile. On va s'arrêter sur cette parole de sagesse. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.